Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans le dernier vers, nous avons pris que la da'wah des gens de la sunna lie les gens à Allah Azza wa Jalla, à sa promesse, à sa récompense et non pas au bien de ce bas monde. Après cela, il entame un nouveau chapitre, un nouveau fasl bi'unwan wa da'watu ahli sunna islahu lil mujtama'. Que l'appel, la da'wah des gens de la sunna est une réforme pour la société. Naam, wallah. Ce à quoi ils appellent n'est qu'un bien pour le monde entier, qu'ils s'en rendent ou pas. Mais cependant, walakin akthar an-nas la ya'lamun. La plupart des gens ne savent pas. Qala hafizallahu ta'ala wa tas'a li islah al-mujtama' islahan shamilan fa hiya tuhadhdhir an-nas min al-afkar al-irhabiyya al-dakhila ka fikr al-khawarij wal-jahmiyya wal-mu'tazila wal-shi'a ومن المنكرات والمعاصي وتحذرهم من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقاطعة الرحم والأذية للناس وبالأخص أذية الجار. Donc cette da'wa s'efforce justement d'appeler à la réforme de façon générale. Cette da'wa met en garde les gens contre les idées de terrorisme qui ont été insurgées dans la communauté mais qui n'en font pas partie, comme par exemple l'idéologie des Khawarij, ou celle de Jahmiya, des Mu'tazila, des Shi'a, des Shi'ites, et toute forme d'actes blâmables, comme les péchés, désobéissance, et également, surtout, ils mettent en garde contre le shirk, et contre la désobéissance et l'ingratitude envers les parents, et le fait de couper le lien de parenté, et le fait de nuire aux gens, et tout particulièrement de nuire aux voisins. Qala ta'ala, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ الْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Que dans le sens où Allah dit, et adorez Allah et ne le associez rien, et soyez bienfaisants envers les parents et envers le proche, celui qui a un lien familial proche, ainsi que l'orphelin, ainsi que les pauvres, ainsi que le voisin proche, ainsi que le voisin lointain, selon une traduction du sens, ainsi que le collègue de voyage, kazalik, ou certains ont dit que c'était l'épouse, ainsi que le voyageur, ainsi que vos esclaves, et que certes Allah n'aime pas tout présomptueux arrogant. An-Nisa, les femmes, verset 36. Et toutes ces choses-là, les hommes les détestent à la base. Donc, la da'wa des gens de la sunna interdit cela également. Wa tu'ti kulli dhi haqqin haqqahu wa tuhadhdhiruhum az-zina wal khamr wal riba wa qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqq wa tuhadhdhiruhum as-sihr wal sha'wadha wa akl mal al-yatim wadh-dhulm wal ghish wal khida' wal kadhib was-sariqa wa tuhadhdhiruhum min as-sab wash-shatm wa tahuthu an-nas ala birri al-walidayn wal ihsan ilayhima wa silati ar-rahim. Également, que cette da'wa appelle à rendre à chaque ayant droit son droit. Et elle met en garde contre le riba, c'est-à-dire l'usure, contre le zina, la fornication, contre l'alcool, contre le fait de tuer la vie que Allah a rendue interdite sans droit. Elle met en garde contre la sorcellerie, contre la magie, contre le fait de manger l'argent des orphelins, contre l'injustice, contre l'escroquerie, contre la tromperie, contre le mensonge, contre le vol. Elle interdit également de mentir, d'insulter, je veux dire, de porter offense aux gens par de mauvaises paroles. Et également, elle incite les gens à faire preuve de bienfaisance, d'obéissance envers les parents et d'être bienfaisant envers eux et d'entretenir les biens de parenté comme on l'a dit au début. Toutes ces choses-là qui, à la base, même les mécréants le reconnaissent et agréent cela. Ils agréent cela. Ce sont des choses qui font partie des valeurs humaines reconnues par tous, à la base. Hormis des gens marginaux à l'esprit complètement frivole. قال فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع موبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي من الزحف وقذف المحصنات المؤمنات غافلات كما قال صلى الله عليه وسلم الذي prenez garde des sept moubiqat, c'est-à-dire des sept péchés. Ils traduisent par capitaux en général, les plus dangereux. Et ils disent, ô Rasulullah, et que sont ces péchés? Il dit, le shirk, la sorcellerie, le meurtre, le fait de tuer sans droit, la vie que Allah a rendue interdite, le fait de manger l'usure, le riba, le fait de manger l'argent de l'orphelin, le fait de battre en retraite le jour de l'affrontement avec l'ennemi, le fait d'accuser les croyantes inattentives et chastes. Et toutes ces choses-là, comme on l'a expliqué, sont reconnues par tous à la base. Même les gens qui appellent à ce qu'on appelle la paix, l'esprit pacifique, comme ils le diraient, tous les pays ont des guerres, ont des armées mises en place. Ils ont tous un ministère de l'armée, de l'armement pour le pays. C'est une chose qui est indispensable. Il n'y a aucune armée qui accepterait de voir ses soldats se sauver le jour de la rencontre avec l'ennemi, bien évidemment. Et l'islam appelle à cela également. Et cela parmi les pires des choses qui puissent arriver. Naam. Qala wa tahuthu an-nas ala sidq wal-ifaf wal-amana kama fi hadith Hiraql annahu qala li Abi Sufyan ma za ya'murukum قلت يقول اعبد الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرون بالصلاه والصدق والعفاف والصلاه et dit également que cette da'wa incite les gens à être véridiques et à faire preuve de retenue et de suffisance, c'est-à-dire ils se contentent de ce qu'ils possèdent, et le dépôt, le fait de rendre dépôt, c'est-à-dire le rendre droit aux gens ce qui leur revient, d'être honnête, comme dans le hadith de Hiraql qui était l'un des chef des Abyssins, des Romains à l'époque, lorsqu'il avait dit à Abu Sufyan avant qu'il ne rentre en islam, il lui a dit, et qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire ? Il interrogeait son sujet. Et Abu Sufyan, il nous dit d'adorer Allah et de ne rien lui associer. Et de délaisser ce que disent nos pères, c'est-à-dire comme une chose de la jahiliya, de l'époque pré-islamique. Il nous ordonne de faire la salat. Il nous ordonne d'être véridiques. Il nous ordonne de nous contenter de ce que nous avons. Et d'entretenir les biens de parenté. قال ويأمرون بالإحسان إلى الجار ويدعون إلى مكارم الأخلاق والرفق واللين وتجاوز عن المعسر وتراغب في التيسير على المعسرين كما قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا que les gens de la sunna ordonnent à être bienfaisants envers le voisin. Ils ordonnent, ou ils appellent plutôt, à faire preuve de faire preuve de bon comportement et d'avoir de nobles caractères, à la douceur, et également d'être clément envers le démuni. Et ils incitent à faciliter l'indigent, les gens dans le besoin. Ils incitent à cela. Comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il envoyait Mu'az et Abu Moussa au Yémen en tant que prédicateur. Il leur a dit, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Et faites de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. قَالَ وَتَحُثُوا وَلَا الْعَفُوا والصفح عن المسيء وتصليح المشاكل بين الناس بالطرق الشرعية بعيدا عن الأعراف والعادات القبلية والعادات القبلية والمخالفة للشرع كالهجر وغيره فدعوة أهل السنة تسعى لإصلاح المجتمع إصلاحا شاملا تصفية وتربية également cette دعوة appelle au pardon pour celui qui aurait commis une injustice ou quoi, ne touchant pas bien évidemment au droit de la religion ou au droit de cette da'wah. Ils appellent à pardonner, ils appellent à concilier entre les gens, mais cependant à condition que cela soit fait selon les procédés légiférés, bien évidemment, sans faire de concessions et sans faire de transgressions, et cela en étant loin des coutumes des gens, des coutumes qui s'opposent à la législation, car des fois les coutumes sont prises en compte, d'accord. Il parle de là, il lui fait allusion aux coutumes tribales. Comme par exemple, le fait de faire le hajar. Le hajar, c'est lorsqu'il y a un conflit entre deux tribus, par exemple. Pour concilier entre les deux, on égorge un taureau ou un bœuf pour satisfaire les deux parties. Et là, c'est un sacrifice pour Allah. Et cela rentre dans le shirk akbar. Cela est interdit. Mais certains, ils se concilient en faisant cela. Au Yémen, ils font cela. Ailleurs, je ne sais pas. Donc, l'auteur met en garde contre cette façon de faire. D'accord ? On appelle la conciliation, mais cependant avec les procédés légiférés et le religieux. Donc les gens de la sunna appellent à tout cela, à la réforme de la société. Et cela en vue d'apporter une éducation et une purification des rangs. Donc là, c'est ce que l'auteur a cité de façon résumée. Il cite d'autres choses, mais celles-ci reviennent à ce point-là. Également, parmi ce qu'il a rajouté, Yaqul, on a cité « وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرُ عَنَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرُ عَنَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَاءِ بمور القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمال والمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Et qu'ils appellent également à patienter lors de l'épreuve et à remercier lors de lors du bienfait. Également d'agréer d'agréer face à l'amertume du destin, du décret. D'accord ? Les choses qui pourraient de patienter, d'agréer cela, alors que cela vient d'Allah Azzawajal, donc il y a forcément une hikma derrière. Et également, y croire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, le mu'min qui est à la fois la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Fa ila huna, wa alhamdulillahi rabbil alamin.